Bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal et toutes les deux semaines, j'invite dans ce podcast une personne engagée avec laquelle nous allons discuter des nouvelles croissances qui nous attendent dans la société durable, solidaire et joyeuse de demain. L'utopiste en moi en est persuadé. Non seulement demain n'est pas foutu, mais le futur peut même se révéler être bien plus enthousiasmant que ce que nous connaissons actuellement. Et pour dire au revoir à l'état de crise permanent, il est temps de se mettre à la hauteur des enjeux de notre siècle et ça commence par faire de nos rêves des stratégies. Bon voyage. Bon voyage. Bonjour Stéphane Rio. Salut Julien. Bienvenue dans le podcast 2030 Glorieuse dans lequel je rencontre celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Pour cette sixième saison, le podcast il est encore et toujours soutenu par la NEF, qui est la banque des 2030 glorieuses. C'est une banque qui arrive à être éthique et coopérative. Grâce à l'épargne qu'elle collecte, la NEF, elle finance exclusivement des projets écologiques, sociaux et culturels. Et je vous disais donc qu'elle est coopérative parce qu'elle appartient à ce sociétaire. Elle est éthique parce qu'elle met en avant le circuit court de l'argent. Et elle est transparente parce qu'elle est la seule banque française, et j'ai bien dit la seule, à publier l'intégralité de ses financements. Moi, c'est une banque qui me soutient pour ce podcast 2030 Glorieuse, qui me soutient financièrement. Mais je suis très fier d'être soutenu par cette banque qui participe déjà très proactivement dans notre présent à construire, déployer les 2030 Glorieuses. Donc, je vous invite à vous aussi être fier de votre banque en passant chez la NEF, au moins pour votre livret. Aujourd'hui, je suis heureux de donner la parole à Stéphane Rio, fondateur de Novetera, au service depuis plus de 20 ans de la transformation des organisations et des individus pour préparer au monde de demain. Ensemble, nous allons parler de réinvention des imaginaires et de mutation intérieure. C'est un beau programme et moi, je suis très content de te donner la parole, Stéphane. Pour commencer l'interview, je pose la même question que je pose à tout le monde en intro des 2030 Glorieuses. On ne se connaît pas, on se croise à une soirée, Stéphane. Arrive la question du fatidique, et toi, tu fais quoi dans la vie? Comment tu réponds à cette question un peu tractard maintenant, j'ai l'impression? Ouais, c'est vrai. J'ai envie de te répondre à quoi j'œuvre plutôt, parce que qu'est-ce que je fais? En fait, je fais plein de choses. Et en même temps, est-ce que tout cela est utile au monde? Moi, si tu veux, ce à quoi j'œuvre, c'est essayer d'apporter un peu plus de compréhension des enjeux de ce qui nous arrive d'un point de vue systémique, écologique, environnemental, sociétal. Mais j'essaye d'apporter plus de conscience dans les organisations et j'essaye d'aider à la transformation de nos collectifs, de nos manières de gouverner, de nos manières d'organiser nos entreprises, de faire du business ou tout simplement, peut-être mieux dit, de créer de la valeur. Et puis aussi, tout simplement, comment est-ce qu'on peut faire pour être mieux ensemble, partout où on est, dans nos entreprises, dans nos équipes et puis aussi dans notre territoire. Donc voilà, c'est l'objet de mon œuvre et j'essaye de le faire avec cœur parce que c'est un peu ça qui manque, ce fameux cœur à l'ouvrage. Donc c'est un peu mon fil directeur. J'aime bien aller farfouiller les profils LinkedIn des gens parce que sur LinkedIn, tu as un peu ce jeu auquel on s'adonne, qu'on le veuille ou pas, tu vois, sur la représentation de la performance, de la place du travail dans nos vies, de comment on est à l'aise avec ça ou pas, de comment on le raconte. Et toi, Stéphane, sur LinkedIn, tu te présentes comme alchimiste des organisations. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, alchimiste des organisations. Alors, déjà, l'alchimie, c'est un sujet qui me passionne depuis que je suis tout petit. Alors déjà, moi, je suis d'origine bretonne, donc je viens d'une famille un petit peu comment dire, un peu particulière sur ces sujets-là. Mon grand-père se passionnait pour les sujets un petit peu alternatifs. Mystique presque, j'entends, ou pas? Probablement, ouais, mais ça se met pas sur une fiche LinkedIn. mais ça druide sert, de père en fils. Exactement, ouais. Non, mon grand-père était sourcier, il m'a appris à tenir une baguette de coudrier. Donc j'ai, depuis ma plus tendre enfance, des objets comme des baguettes, des pendules, voilà. Et chose que j'ai laissée quand je suis parti à Paris, maintenant que je suis de retour en Bretagne, ça me revient fort. Et en tout cas, j'ai toujours été sensible à ça, toujours un peu hypersensible. Et moi, je me suis passionné pour tous les objets et les outils symboliques de la transformation. Et un que je trouve qui fonctionne plutôt très bien, qui est un peu une allégorie, hein. Je ne suis pas alchimiste, je n'ai pas encore réussi à transformer le plomb en or, ça se saurait, et mon banquier le saurait aussi. Non, l'alchimie, c'est quelque chose de... En tout cas, quelque part, une allégorie de la transformation. Et tu vois, l'alchimie, c'est une œuvre, hein, c'est une œuvre de transformation. On va passer de l'œuvre au noir, comme on appelle ça, la prima matera, la terre noire, la terra negra, pour vivre ce qu'on appelle une œuvre au blanc, une œuvre de transformation intérieure, personnelle, pour transformer ce plomb en pierre philosophale, la pierre philosophale qui est la recherche absolue des alchimistes. Et du coup, c'est ça que j'essaie de faire vivre aux organisations et aux entreprises que j'accompagne, et aux gens que j'accompagne, c'est de trouver leur pierre philosophale, leur graal, en fait, tout simplement. Mais tout en passant par comprendre ce qui nous empêche de nous transformer, donc la fameuse pierre noire, et vivre ce processus de transformation, de rencontre des ombres aussi. Je pense qu'il faut en parler dans les temps qui courent, comprendre nos ombres, les rencontrer, leur faire face. Et quand on les a intégrées, transformées, transmutées, comme on dit en alchimie, on va pouvoir se clarifier et avoir une vision beaucoup plus claire de sa place dans le monde, de ce à quoi on a envie de contribuer, et finalement trouver sa juste place au milieu de la société, au milieu de la cité. Bon, voilà, tu mets exactement en quelques minutes, tu vois, les mots sur la raison pour laquelle j'avais envie de t'interviewer, Stéphane. On va marcher un peu sur cette ligne de crête entre sujets très sérieux, entreprise, organisation, changement, transition et part d'ombre, alchimie, invisible. Et c'est ça que je voulais réussir à creuser avec toi, tu vois, cette ligne de crête entre l'impalpable et le très concret, le très pragmatique, que toi, tu arrives à bien porter. Et tu vois, la première question qui vient derrière ce constat que je fais, toi, dans ta capacité à rendre visible un peu ces deux mondes ou à les faire cohabiter et de manière tout à fait, je trouve, logique en réalité, saine, évidente même, c'est de te poser la question... Moi, j'ai envie de marteler pour que devienne évident pour tous et toutes que c'est notre monde actuel qui est décroissant et pas les modes de vie auxquels on contribue proactivement, nous deux notamment, qui sont décroissants. Et donc, il y a deux questions derrière ça. C'est toi, à quelle décroissance du monde actuel tu t'attaques? Et en creux, par quelle abondance tu essaies de remplir cette décroissance? Par quelle nouvelle croissance tu essaies de remplacer ce manque, ce biais dans lequel on est enfermé actuellement? Ben oui, tu l'as dit tout à l'heure, hein, c'est une ligne de crête, en effet, cette histoire, parce qu'en fait, pour moi, on est à un changement de paradigme, c'est-à-dire on est vraiment à une bascule de notre humanité, et on le sait, on va pas se le rasséréner encore aujourd'hui, on sait les enjeux, on sait ce qui se passe, et moi, dans les gens que je rencontre, les chefs d'entreprise que j'accompagne, et les gens que j'accompagne, ils savent tous pertinemment qu'on doit changer, et qu'on est en train de vivre cette bascule-là. C'est juste qu'ils ont pas les... Ils n'ont pas les clés pour passer de l'autre côté de la rive, quoi. Donc déjà, pour moi, un des premiers éléments de la décroissance, c'est, ça va paraître un peu étrange pour certaines personnes, mais c'est de faire le deuil de l'ancien. C'est de faire le deuil du modèle qu'on connaît, qui nous a forgé, qui a forgé la puissance économique, le confort matériel sur lequel on est assis, installé, lové, vautré même, tous individuellement et collectivement. Et en fait, quelque part, c'est vivre cette expérience de se préparer à la transformation qui vient. On parle beaucoup... Pablo Servigne en parle notamment, on parle d'effondrement, on parle de ces choses qui vont devoir nous quitter, notamment en termes de consommation et d'intensité de consommation, mais aussi d'intensité énergétique, d'intensité de mouvement. Il y a quelque chose où on est appelé à mourir, tout simplement. Et moi, je me suis beaucoup intéressé, autre allégorie, à la mort, mais vraiment aussi parce que dans ma vie personnelle, j'étais beaucoup confronté à ça, dans mon histoire personnelle. Et ça a été pour moi cette fameuse courbe du deuil, tu vois, dont parle Elisabeth Kubler-Ross. Finalement, on est tous en train de la vivre. Ces différentes étapes, hein, cette fameuse cour du deuil. Et la première, c'est le marchandage ou le déni. Et je pense que nous sommes collectivement dans je veux pas prendre non plus de trop grande masse, mais beaucoup et une grande majorité de nos contemporains sont dans ce déni-là. Et donc, pour moi, cette première décroissance, c'est celle d'accueillir que nous sommes dans un mouvement de décroissance et que nous sommes invités à l'accompagner. Et que ça passe par accueillir le deuil en soi. Accueillir ce qui se termine, ce qui va devoir changer, et l'accompagner notamment émotionnellement. Voilà, c'est pas juste en faire un constat mental, scientifique. Ça, le GIEC et tous les experts nous en parlent. Et on a les chiffres, on a les informations, on a plus ou moins pas trop la date, mais on sait que nous allons devoir nous préparer à vivre cette décroissance et justement créer par ailleurs, en face, dans l'autre rive, d'autres manières de créer de la valeur ensemble. Et pour moi, c'est la croissance, pour le coup, du soutien, de la solidarité, de l'entraide, de l'accueil de l'autre et de la différence. C'est un sujet très, très, très d'actualité. C'est pour moi la croissance des nouvelles formes de relations, de comment est-ce qu'on va créer ensemble de nouvelles manières d'être ensemble, de co-vivre ensemble, de co-créer ensemble, et de valoriser ça aussi, et non pas juste en faire une ligne qu'on suit sur un plan comptable avec un ROI en fin d'année. C'est comment est-ce qu'on va ensemble croître dans une nouvelle manière d'être, de créer de la valeur et d'être valeureux différemment. Stéphane Rio qui parle de ROI, j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est marrant. C'est la première fois qu'on me le dit ça. On faisait surtout le jeu de mots de Riot en anglais qui veut dire une émeute. Vrai que j'ai plutôt été payé pour ça. Tu travailles peut-être à l'émeute un peu des consciences, j'ai l'impression, parce que tu vois, tu tournes autour un peu autour de ça et j'ai l'impression que si jamais on devait du coup dire de notre époque qu'elle est décroissante, il me semble qu'elle est décroissante en conscience de ce qui se passe, de ce qu'on va devoir perdre. On n'ose pas regarder droit dans les yeux, tu vois. On n'ose pas se confronter, on n'ose pas être conscient de tout ça pour, en fait, comme tu le dis, savoir ce à quoi on va devoir renoncer et les choses qu'on va devoir laisser avec plaisir parce que derrière, il y en a d'autres qui nous attendent. Et donc, on est dans une sorte d'inconscience un peu crasse, un peu suicidaire parce que presque subie et un peu molle, un peu douce, qui nous donne l'impression qu'on peut se permettre de tenir encore longtemps dans cette forme d'abandon, d'inconscience, alors qu'en réalité, ce pilote automatique, il nous tue. Et du coup, j'ai l'impression que toi, tu essayes de révéler à quel point toutes ces choses, elles devraient être visibles et on essaye de les tenir invisibles. Donc ça, c'est une première chose sur cet invisible qu'on doit regarder. Mais tu travailles aussi toujours sur cette notion d'invisible à travers ce que tu appelles, toi, les architectures invisibles. Donc il y a aussi un peu la conscience de nos racines, de nos histoires, de ce qui parfois est un fardeau et parfois ce qui est un marchepied. Tu travailles beaucoup sur cette notion d'invisible, j'ai l'impression. Ouais, c'est vraiment devenu le cœur du réacteur de mon action, tu vois. Il y a plein d'acteurs de changement, tu vois, des gens qui vont travailler sur les nouveaux modèles économiques. Moi, j'ai beaucoup passé de temps à travailler sur les modèles économiques, tu vois, l'économie collaborative, l'économie sociale et solidaire. Maintenant, le grand terme qui nous rassemble, c'est l'économie régénérative. Et donc, il y a beaucoup de pensées là-dessus, beaucoup de concepts aussi. Alors, beaucoup de tentatives de s'y mettre aussi. Tu vois, c'est ce que je fais, notamment dans l'énergie que je mets, notamment dans le cadre de la CEC, la Convention les entreprises pour le climat, dont je fais partie. Mais moi, je me suis rendu compte, après avoir passé plusieurs années à essayer de convaincre les gens sur regarder le monde de demain, regarder les signaux faibles du monde de demain, regarder les nouveaux modèles et leurs opportunités qu'ils peuvent apporter, je me suis rendu compte que j'étais face à des gens qui opinaient du chef en me disant « oui, je comprends bien », mais ça ne changeait pas vraiment grand-chose à l'intérieur. Et je me suis dit « ok, puisqu'il n'y a pas grand-chose qui change à l'intérieur, allons voir à l'intérieur ». Et c'est là où moi, depuis quelques années, je me dédie à aller regarder ce qui ne se voit pas. C'est, si tu veux, c'est un peu comme un iceberg. Tu vas avoir tout ce que tu vas mettre en visible, c'est-à-dire au-dessus de ce que tu vois de cet iceberg, de ce qu'on va mettre en œuvre pour accompagner le changement. Tu vois, dans les entreprises, on fait de la RSE, on va mettre des normes ISO, on va mettre... Il y a des stratégies, il y a des courbes, il y a des projections, il y a des chiffres, il y a toutes ces choses très, très tangibles, très palpables. C'est ça, et puis il y a des tendances aussi, il y a les entreprises à mission, il y a les labels, B Corp, tout ça, et tout ça c'est très chouette, mais pour moi c'est sous la ligne de flottaison qu'il y a le plus d'énergie. Quand tu regardes un iceberg, c'est vraiment, coucou le Titanic, c'est parce ce qui s'est passé en dessous hein, que ça a vraiment fait que la catastrophe qu'on a connue. Et en effet, ce qui se passe en dessous, hein, c'est ce que j'appelle les architectures invisibles, c'est ce qu'on ne voit pas et ce qui est aussi peut-être un petit peu tabou. C'est-à-dire notamment dans une entreprise, c'est les fameuses résistances au changement, c'est aussi parfois... les mémoires de cette entreprise, les habitudes. Tu vois, il y a un mantra dans les entreprises souvent qui est de dire « on a toujours fait comme ça ». Ça, pour moi, ça fait partie d'une sorte de mantra rituel qu'on se rappelle régulièrement, qu'on n'aborde pas, qui crée un biais, qui crée une habitude, qui fait qu'on se dit « c'est comme ça et ça ne sera pas autrement ». Il y a aussi le rapport, comme je le disais tout à l'heure, le rapport qu'on a au deuil et à la mort. Tu vois, pour des gens... la fin, ça les angoisse. Pour d'autres, la fin, c'est une opportunité de nouveaux possibles. Et donc, on a tous un rapport émotionnel, mental, et puis aussi, j'allais dire presque spirituel, hein, de sens de la fin qui prépare un nouveau début, un nouveau départ. Et donc, je m'intéresse à toutes ces dimensions-là qu'on ne voit pas. Donc, il y a bien sûr les biais cognitifs hein, pour lesquels il y a de la recherche vraiment fondamentale là-dessus. Il y a environ 400, entre 100 et 400 biais cognitifs pour parler du dérèglement climatique, de notre rapport à l'action ou à l'inaction pour se transformer. On a aussi des formes d'intelligence à regarder, notre intelligence émotionnelle notamment, tu vois, on est comment par rapport au changement? Est-ce qu'on est dans la peur, dans l'évitement? Est-ce qu'on est dans la panique? Est-ce qu'on est dans la nostalgie de l'avant? Tu vois, ces charges émotionnelles que nous avons, qui sont tabous dans l'organisation, qui sont tabous dans un collectif, pour moi, ça fait partie des choses qu'on ne regarde pas nécessairement, pour lesquelles on ne met pas des mots, et qui sont au contraire la partie la plus puissante, là où il y a le plus d'énergie à les rencontrer et alchimiser, justement, pour reprendre le terme de l'alchimie. Et donc, moi, c'est cet espace-là que je vais rencontrer. Alors, ce n'est pas le chemin le plus fréquenté, hein, comme dirait l'autre, mais c'est pour moi devenu ma conviction que je vais passer beaucoup, beaucoup de temps et d'énergie maintenant à éclairer cet espace invisible pour que ça passe du visible, de l'invisible au visible, donc de l'inconscient au conscient. Tu l'as dit, c'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, Stéphane. Je reprends juste là ces derniers mots qui sont importants et sur lesquels je voulais qu'on s'arrête. Stéphane, moi, je t'ai rencontré, tu ne le savais pas à l'époque encore, mais ça date, hein, puisque c'était le MOOC de Ticket for Change, devenir entrepreneur du changement. C'est notamment à travers ce MOOC que j'ai avancé sur l'idée du projet qui était « Ça commence par moi » à l'époque. Mais on s'est rencontré dans la vraie vie il y a quelques mois parce que justement, au sein de l'équipe cœur de 2030 Glorieuse, ça bougeait et on sentait qu'il y avait des choses qui étaient inconfortables. Il y avait des choses invisibles qu'on avait besoin de rendre visibles. Et donc, on a eu la chance que tu sois mis sur notre chemin, il n'y a pas d'autre mot, pour que tu nous accompagnes à rendre visible justement ce qui, en fait, nous pesait, nous ralentissait ou faisait office d'obstacle. Et c'est dans ce cadre-là que moi, j'ai eu envie de te donner la parole parce que rendre visible l'invisible, c'est d'une certaine manière pas très confortable là où on s'est habitué à prendre des raccourcis, à compter sur une sorte de savoir collectif qui nous permet de plus nous poser la question nos besoins vitaux ou presque, parce qu'on sait que l'eau qui coule du robinet, parce qu'on sait que la nourriture qui arrive dans nos supermarchés, parce qu'il y a plein de choses où en fait on peut d'une certaine manière ne plus trop s'en préoccuper et avancer sur d'autres choses. Le hic, c'est que les autres choses sur lesquelles on avance, elles sont très souvent futiles et pas suffisamment profonde et c'est parce que ça prend du temps, c'est parce que ça prend de l'énergie, c'est parce que bah, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est du travail, on doit y revenir, ça crée des frictions, ça crée des fatigues, ça crée des blessures qui vont elles être derrière des cicatrices et pourquoi pas même des forces, et donc ça malmène, ça c'est parfois même presque violent, ce travail là Ouais. Et d'ailleurs, c'est courageux de votre part, et je remercie toujours toutes les personnes qui plongent, parce que c'est courageux, mais en même temps, il y a tellement d'énergie à l'intérieur de ça, il y a tellement de capacité de grandir individuellement et collectivement, et au milieu de ça, voilà, ça change l'énergie d'un collectif, ça change l'énergie d'une entreprise, et ça change même la raison d'être d'une boîte parfois. Et c'est vrai, ça demande de l'engagement, ça demande de plonger en soi, et ça demande de se confronter aux ombres. C'est le fameux voyage du héros. Hein. Au début, il part, c'est trop facile, et il y a un moment, bah, il est rattrapé par ses ombres, par ce qu'il doit traverser et guérir de lui-même. Et donc, en effet, parfois. Quand on est dans un collectif, ben on a des projections, ce qu'on appelle des transferts et des contre-transferts. Il y a l'autre qui représente quelque chose dans ma vie, qui parle en fait de moi, de mon histoire à moi. Et en fait, peut-être que dans les projections et les jugements que j'ai sur l'autre, je suis en train finalement d'être en contact avec une partie de moi qui est, comme tu le dis, abîmée ou que je n'ai pas envie de regarder et qui n'a peut-être pas envie de grandir. Et du coup, c'est ça qui abîme nos collectifs, c'est-à-dire on est quelque part une multitude d'êtres inachevés qui essayent de s'agréger les uns envers les autres pour faire une aventure collective. Mais quelque part, quand on est dans une entreprise, on est dans une deuxième famille, quoi, choisie plus ou moins, mais qui répète l'histoire, encore une fois, ou en tout cas les densités de l'histoire qui n'ont pas été nettoyées, rencontrées et guéries. Je ne sais pas si tu associes vraiment voilà, la révélation de ces architectures invisibles à la question de la santé mentale qui est en train d'être de plus en plus mise en avant. J'ai l'impression que c'est en train de s'être percé dans les médias, de devenir une conversation un peu classique. Et puis, on entend maintenant autour de nous, ah bah oui, c'est vrai que je vais chez le psy depuis quelques temps. Et à la fois, bah, c'est pas ce que tu fais toi exactement pour les organisations. Comment tu te positionnes par rapport à ça? Est-ce que tu reformulerais ton travail voilà, quand je te propose le mot de santé mentale, le concept de santé mentale, est-ce que tu t'y associerais? Et enfin, pourquoi c'est particulièrement important de creuser ce sujet-là au sein des organismes de la transition qui en général, sont quand même très sur le faire et pas trop sur l'intériorité, sur l'incarnation. Et donc, avec tous les biais, tous les pièges et toutes les limitations que ça implique. Ouais, excellente question, tu vois. Alors, la santé mentale, c'est très vaste, tu vois. Il y a deux aspects qui, pour moi, sont importants. Je sais pas si tu as vu passer, il y a cette étude qui a été réalisée justement par Ticket for Change sur la santé mentale des porteurs de projets de l'économie sociale et solidaire. Et les chiffres sont affolants. C'est-à-dire, t'as 40% des porteurs de projets à impact qui sont au bord du burn-out et qui en peuvent plus, quoi. Et pour moi, quelque part, et l'expérience que j'en ai de tous les collectifs que j'ai accompagnés, de tous les porteurs de projets que j'ai accompagnés, notamment c'était mon job hein, chez Ticket for Change, de demander le why, de pourquoi un porteur de projet qui arrivait chez Ticket for Change voulait faire ce projet-là. Et en fait, quand tu les interroges, tu te rends compte que ben, on va très vite aller rencontrer son histoire. Le pourquoi de j'ai envie de faire un projet impact ou d'avoir une action contributive au monde, c'est parce que quelque part dans mon histoire personnelle, dans un événement ou dans une ambiance ou dans un contexte familial ou historique, depuis que je suis né, souvent ça remonte à l'enfance, la tendre enfance et le rapport que j'ai pu avoir avec mon écosystème familial, eh ben, il y a quelque chose qui a besoin de se mettre en mouvement, qui trouve du sens en se mettant au service et puis ben, parfois qui a besoin de réparer quelque chose. Et moi, j'ai constaté beaucoup d'acteurs de changement qui étaient assis sur une blessure d'injustice, par exemple, sur une blessure d'injustice où ils ont été soi-même touchés par quelque chose d'une injustice, où ils ont été témoins de ça et ils ont envie de réparer ça. Et il y a quelque chose de l'ordre de l'altruisme où je vais me mettre au service d'un projet qui est plus grand que moi jusqu'à sauver le monde, quoi. Parce que en plus de ça, on a du boulot, tu vois, on n'est pas au chômage, les amis. Et en fait, quelque part, il y a quelque chose de l'ordre du sacrificiel qui s'installe à cet endroit-là, où parce que la cause que je défends, que je soutiens est bien plus grande que moi, je vais m'oublier. Et donc, en effet, il y a quelque chose à cet endroit-là, et c'est là où, pour moi, la santé mentale, elle est précieuse, ou en tout cas très importante à regarder. C'est-à-dire que quand je suis au boulot, quand je suis engagé dans un projet qui soit d'entrepreneuriat social, voire un projet militant, quelle est la partie de moi qui est engagée ? Est-ce que c'est la partie, tu vois, dans les archétypes, est-ce que je suis avec un guerrier à l'intérieur qui doit combattre, hein, mais qu'est-ce qu'il dit de moi, ce guerrier ? Avec quelle partie de mon histoire je suis en contact ? Et c'est tout à fait noble. Tu vois, en ce moment, il y a des vrais combats très nobles à mener. Eh bien, la question est de savoir, est-ce que ce guerrier, il est occupé avec quelque chose qui est vraiment dans le réel en ce moment, dans ma vie, dans l'actualité ? Ou est-ce que je suis encore occupé avec une partie de mon histoire que je trimballe encore à l'intérieur ? Et finalement, je suis encore peut-être avec un enfant ou une partie à l'intérieur de moi, à l'intérieur de mon être, qui est en train de chercher de l'approbation, de chercher de la validation, de chercher de la reconnaissance. Et tant que je n'ai pas mis du temps, tant que je n'ai pas posé mon regard et tant que je n'ai pas développé de l'accueil pour cet enfant à l'intérieur de moi ou pour cet être à l'intérieur de moi qui a besoin d'être reconnu à cet endroit-là, eh ben, je vais continuer dans ma vie d'adulte, dans ce que je fais, à essayer de trouver cet espace de reconnaissance, donc dans un projet extérieur. Et souvent, c'est là que viennent les burn-out, tu vois. Et on a le burn-out du militantisme, on a le burn-out de l'engagement, tu vois. Et ça, c'est le premier élément que je vois dans la santé mentale. Et le deuxième élément, c'est carrément à l'inverse, c'est les gens qui n'en voient plus de sens dans leur vie. C'est-à-dire que, en fait, c'est le bore-out, quoi. Ils s'emmerdent. Parce que quelque part, il y a aussi une partie d'eux-mêmes à l'intérieur qui comme ça, une petite voix qui les appelle à être quelqu'un ou à déployer un potentiel qu'ils se sont jamais vraiment autorisés à déployer et qui attend, quoi. Un peu comme un vague à l'âme, ça se traduit souvent par de la dépression ou de la frustration, de se dire je suis pas au rendez-vous de mon histoire à moi, de qui je suis profondément. Et là, il y a quelque chose où je suis en train de mécaniquement avoir un job, mais en fait, je ne suis pas au rendez-vous de mon âme, quoi, tu vois. Et je ne suis pas au rendez-vous de qui je suis profondément. Et je constate les deux dans la même magnitude. Et ça, pour moi, c'est ça les deux branches, en tout cas les deux regards que je porte sur la santé mentale, ou en tout cas la mauvaise santé mentale des gens que je rencontre et que j'accompagne. Et tout ça, du coup, sous couvert d'envie de sauver le monde, je crois que tu disais, ou sauver la planète, j'ai oublié. En fait, ça participe au problème, ça recrée encore des boucles de violence, de blessures, et ça exclut, et ça isole, et ça fait du mal. Bah oui, et tu vois, récemment, on a vu dans les réseaux sociaux une sorte de petite guéguerre intestine entre les acteurs de changement le concours de pureté, quoi. Et ça, à l'intérieur, je reste persuadé que parmi les protagonistes, en tout cas ceux que j'ai identifiés, il y a des gens qui n'ont pas été regardés, une partie à l'intérieur d'eux qui est encore en besoin de reconnaissance, en besoin d'être accueillie avec ce qu'elle a fait. J'ai pas vu passer ça. Ouais, y a eu quelques petites tensions parmi certains acteurs de changement. Y en a qui en faisaient pas assez, d'autres trop, etc. Okay. Donc, je sens que tu veux pas en dire plus. Ouais, je veux pas en dire plus parce que après ça les regarde. Mais en même temps, moi je le constate régulièrement. Tu vois, j'ai des amis qui peuvent aussi me dire que j'en fais pas assez, par exemple, ou que je ne suis pas assez exemplaire. Mais on va aussi parfois se juger dans notre intégrité, notre exemplarité, alors que quelque part, on a tous profondément envie d'être du bon côté de l'histoire, tu vois. Mais voilà, ça dépend aussi des expériences qu'on a, mais et des gens qu'on rencontre. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que c'est un vrai sujet et on l'aborde pas assez pour moi. On n'a pas assez le courage de se dire qui je suis quand je suis ce que je fais. C'est-à-dire qui tu es, tu vois, c'est Neil Donald Walsh qui disait dans conversation avec Dieu qui disait l'important, ce n'est pas ce que tu fais, c'est qui tu es quand tu le fais. Et ça, c'est important de se dire, tiens, quelle est la partie en moi qui est active quand je suis en train de manifester? Quelle est la partie en moi qui est en train de qui fait des maraudes? Quelle est la partie en moi qui est en train de militer? Ou quelle est la partie en moi qui est en train de faire un tour du monde ou qui change de vie pour aller très très vulgairement et caricaturement élever des chefs dans le Larzac? Il y a une partie de soi qui est en soif, qui a besoin de quelque chose, qui est en besoin, qui attend d'être soit réparé, soit être vu tout simplement, et d'être accueilli tout simplement avec ce qu'il porte ou ce qu'elle porte. Que ce soit de quelque chose qu'elle est en train de réparer, de son histoire, sur lequel il est important de poser le regard, ou que ce soit qu'elle a un élan à contribuer, et ça répond à un besoin de contribuer à plus grand que nous, parce que sa conscience est devenue systémique, parce que il nous est demandé inconsciemment et collectivement de passer à autre chose et de changer de paradigme. Et ben justement, Stéphane, je t'interromps parce que j'ai envie qu'on parle de quand on aura changé de paradigme et quand tout ça sera évident. Donc si tu veux bien, allons en 2030 glorieuse. Avant d'y aller en 2030 glorieuse, on a toujours un arrêt, une étape. Et donc ce que je te propose, c'est que tu nous fasses la lecture que chaque invité nous fait, parce que je suis persuadé, moi, que dans ces bibliothèques, dans ces livres, dans nos romans, dans nos histoires, il y a déjà tout un tas de fenêtres vers les 2030 glorieuses. Et donc j'aimerais bien que tu nous partages des valeurs que tu as retrouvées dans un livre qui est là sur ta table sans doute et qui dépeint les 2030 glorieuses. Et puis ensuite on fait cet exercice d'imaginer à quoi ressemble un monde quand les architectures invisibles seront beaucoup plus conscientisées, qu'on sera éduqué sur ces sujets et toutes les victoires, toutes les abondances que ça produira, ok ? Je te partage un extrait d'un livre que je viens de finir de lire, que j'ai dévoré, qui s'appelle La vie rêvée de Nikola Tesla, c'est un roman rédigé par Yannick Rudeau, qui a co-créé avec sa compagne Sandrine Rudeau La Mer Salée. Et en fait, c'est une sorte de vision romancée avec beaucoup de recherches quand même biographiques sur la vie de Nikola Tesla. Et il y a un moment, Nikola Tesla, il vivait une vie quand même très mondaine. Alors Nikola, il a inventé l'électricité alternative, il a même été le précurseur de Wi-Fi, et il s'est passionné pour l'énergie libre. Donc c'était quelqu'un qui était vraiment un grand visionnaire, et pour lequel il n'y a que maintenant qu'on se rend compte de ce qu'il a pu apporter. Et il y a un moment, il rencontre Sarah Bernhardt, quand même, c'est pas rien, qui est passage à New York et qui lui présente des notables new-yorkais, parce qu'il avait toujours besoin de rencontrer des gens pour financer ses projets. Et elle lui présente Vivekananda, qui était le disciple de l'éminent Ramakrishna. Donc, je te lis tout ça. Cher ami, je vous présente le grand moine hindou Vivekananda, disciple de l'éminent Ramakrishna. Les deux hommes firent connaissance pendant que Sarah Bernhardt conversait avec un financier de Wall Street qui ne manquait aucun spectacle de la diva à Broadway. Interpellé par le regard de l'hindou, Nikola décida de s'attarder auprès de cet homme mystérieux. « Il me semble que je vous ai déjà aperçu il y a 3 ans à peine à l'exposition universelle de Chicago et vous étiez au Parlement mondial des religions et vous avez fait connaître l'hindouisme au sein des États-Unis. Vous dites vrai. Ce Parlement fut l'occasion de faire découvrir aux Américains le bouddhisme, l'hindouisme, le shintoïsme et bien d'autres spiritualités et religions qui recherchent toutes le même but, la paix et l'amour. » Et Nikola de lui répondre « Je suis né en Europe centrale, en Serbie, dans une famille chrétienne orthodoxe. Mon père me voyait prêtre, pop pour être précis. J'ai préféré la voie de la science et de la physique en particulier. Mais mon objectif est sensiblement le même que le vôtre, apporter la lumière et l'énergie aux femmes et aux hommes de cette planète pour les libérer de leur labeur et pour que nous vivions tous en paix. Mes récents travaux, voyez-vous, m'ont amené à identifier une source d'énergie universelle présente en tout point de la Terre. Cette énergie pourrait être exploitée sous une forme que je ne maîtrise pas encore, mais j'ai la profonde intuition qu'elle est l'avenir de l'humanité. Savez-vous, cher ami, que cette énergie universelle dont vous parlez, nos écritures en Inde, appelées les Védas, la nomment depuis plus de 5000 ans, nous l'appelons le prana, l'énergie à l'origine du tout. L'univers n'est donc qu'onde et vibration, l'énergie est la base de la vie, de la matière. Vos propos ne font malheureusement pas l'unanimité. Cette question de l'énergie originelle nous divise, nous les scientifiques. Et pourtant, l'électricité est bien le sous-produit de quelque chose de plus grand que nous, me semble-t-il. Et donc, en fait, Nicolas faisait le lien entre ses découvertes sur l'éther qu'il avait déterminé et l'énergie du vide et le prana. Et le moine Vivekananda le confortait dans ses recherches et la voie à suivre. Nicolas prit congé à regret du moine hindouiste, lui promettant de nourrir une correspondance avec lui pour échanger sur leurs pratiques respectives. Et en effet, l'histoire dit que les deux hommes ont continué un échange épistolaire jusqu'à la fin de leur vie. Merci Stéphane pour la lecture, en plus d'un texte que j'ai terminé de lire aussi il n'y a pas si longtemps que ça, donc ça tombe à pic. Et puis en plus Yannick Roudot qui fait partie de la communauté 2030 Glorieuse, Sandrine a été la première marraine de l'atelier 2030 Glorieuse et j'ai eu l'occasion de les accueillir tous les deux dans le podcast, donc on est en famille avec ta lecture, merci pour ça. C'est un bel hommage. Ouais, c'est un bel hommage. On est maintenant en 2030 Glorieuse et c'est peut-être là encore plus le bel hommage qu'on peut leur faire, eux qui mettent au monde des fictions utopistes, puisque les 2030 Glorieux, c'est pas cuicu les petits oiseaux, tout est résolu, ça y est, on a gagné, mais c'est quand même un espace où l'humanité est enfin entrée dans l'âge adulte pour regarder droit dans les yeux toutes nos responsabilités et reprendre notre place parmi le vivant pour adresser tous les enjeux de notre siècle. C'est un espace de conversation qui va n'exister là que quelques minutes, dans lequel on va parler au présent, on va décréter, on va se passer du conditionnel, et si on parle au futur, on parle des 2040, 2050 glorieuses, que sais-je. C'est toi qui décides si tu es en 2031 glorieuse, 2037, si tu as besoin de temps ou pas. Tu peux le dire, tu peux ne pas le dire, vraiment c'est toi qui décides, et on va essayer de rendre ces 2030 glorieuses les plus concrètes, les plus tangibles, les plus visibles possibles pour que les personnes qui nous écoutent et qui, elles, sont restées à l'époque des 2025 puissent toucher un peu du doigt ce que nous, on est en train de découvrir au fil de notre conversation. Ça marche, Stéphane ? Ça marche pour moi. Allez, et la première question que je te pose, du coup, Stéphane, c'est, je ne sais pas où est-ce que tu es là en 2030 glorieuses, peut-être à ton bureau, peut-être dans un lieu qui t'est cher, mais décris-le-nous, s'il te plaît, dis-nous où tu es et dis-nous ce que tu vois par ta fenêtre, si tu en as une. Oui, alors je te propose, puisqu'on est en 2025, de nous projeter en 2035, enfin, compte-rond. On est en 2035 glorieuse. Moi, je suis au milieu d'un séminaire dans lequel il y a plein de dirigeants, chefs d'entreprise, mais aussi des acteurs de changement, des gens qui ont envie de contribuer à l'évolution du monde, à l'évolution de nos pratiques en entreprise, en organisation, mais aussi sur les territoires, mais aussi en politique. Et ils sont tous les yeux fermés. Ils sont tous en train d'écouter un texte inspirant qui les touche, qui les invite à se projeter, à imaginer, à prendre conscience en tout cas de leurs décisions, à prendre conscience de leur impact, et puis aussi de descendre dans leur cœur, de prendre des décisions, chacune de leurs décisions, non pas par la peur, mais en écoutant leur cœur, en écoutant leur corps, en écoutant leur intuition, en imaginant que la décision qu'ils sont en train de prendre juste en ce moment, elle a un impact sur le vivant, parce que dans l'assemblée, il y a des gens qui représentent le vivant, qui représentent la nature, qui représentent les règnes, minéraux, végétaux, animaux. Et donc du coup, il y a cette discussion subtile entre les gens. Et parce qu'en fait, on a décrété ce jour-là que en 2035, depuis les événements qu'on a vécu ces 20 dernières années, la conscience est devenue notre boussole, la conscience des enjeux, les enjeux planétaires dont on nous parle depuis très longtemps, la conscience aussi de comprendre comment le vivant fonctionne de manière systémique et comment nous sommes en interaction avec lui, non pas en haut d'une pyramide, mais au centre du vivant. On est en train de prendre conscience aussi de l'impact de nos choix stratégiques. On va même faire le choix de décroître. Il y a des gens qui vont décider d'arrêter certains de leurs produits ou de leurs services parce qu'ils ont pertinemment conscience que ça ne peut pas continuer. Et ils le font avec cœur et avec le soutien de toutes les personnes qui sont présentes autour d'eux. La conscience aussi, hein, qui devient notre boussole en 2035, c'est la conscience de nos ombres aussi à changer. Et donc, on parle de nos ombres, on parle de nos difficultés à ne pas changer. Il y en a qui se lèvent et qui disent, voilà, moi, je sais que je suis en résistance avec ça et je sais que je dois accueillir peut-être... une nouvelle manière de fonctionner, peut-être que je dois fermer mon entreprise, peut-être, ou en tout cas que je dois arrêter ce produit, ce service, parce que il dit aussi, j'ai conscience que j'ai eu pendant des années des injonctions à la performance, à la pensée volumique, aux résultats toujours positifs d'une année sur l'autre, et là je suis en train de me sevrer de ça. Et il reçoit le soutien des autres, il reçoit les soutiens des autres qui le soutiennent dans cette phase de décroissance, de détoxification, quoi. On parle aussi d'émotions, hein, sans rougir, de se dire qu'on a peur, de se dire qu'on sait pas, de se dire qu'on est paumé. On accepte d'être dans ces entreprises, hein, qui sont des nouveaux espaces de partage, de présence, de reliance, de réparation, de bienveillance aussi. Mais on sait tous qu'on est là au service de la régénération du vivant. On est là, on sait qu'on est là pour réparer quelque chose qui a été abîmé, auquel on a contribué à abîmer, et qu'on sait qu'on est là aussi pour aider à sa restauration. Et puis, autre chose, c'est que on prend conscience qu'on n'a pas le choix que de faire en commun, en coopération. Pour régénérer la planète, pour entrer dans une nouvelle période de co-création fertile où on va cohabiter, on va co-créer, on va co-gouverner avec une place pour le vivant aux commandes. On va rentrer en coopétition plutôt qu'en compétition. Et la croissance aura changé de sens, quoi. On va parler de croissance de l'être, de l'écoute, de la contemplation, de la beauté, du temps long. C'est ça pour moi ce qui va se passer en 2035 glorieuse. Je ne t'ai posé qu'une seule question, c'était qu'est-ce que tu voyais à travers ta fenêtre. Donc tu ne manques pas d'inspiration sur ce sujet. Non, ne t'excuse pas, ça me plaît cette idée de conscience planétaire, et on va jouer autour un peu de cette chose qui est du coup impalpable. On imagine bien que maintenant on le voit presque en regardant droit dans les yeux les gens, et on sent s'ils ont cette conscience planétaire qui les dépasse ou pas, et ou s'ils sont un peu encore dans le camp de l'inconscience. Moi j'ai besoin que tu me racontes, Stéphane, profitons de ton inspiration, pour que tu me racontes, pour que tu nous racontes même, quels ont été les points de rupture. Est-ce que tu penses à un moment de bascule en particulier où justement cette humanité, elle a switché d'inconsciente à consciente? Qu'est-ce qui a provoqué ce changement? Là, c'est une rupture philosophique, spirituelle, c'est hyper puissant ce dont tu es en train de nous parler. Il y a plusieurs bascules. Il y a une première bascule que moi je vois, c'est les enfants. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, on les voit prendre conscience de l'impact du monde concret sur leurs propres enfants, et c'est là qu'il y a un switch qui se crée. Et qu'ils se rendent compte que, tu vois, le développement durable était censé être un développement soutenable pour les générations qui nous suivent. Et là, il y a un bug dans la matrice. Et je pense qu'il y a aussi la prise de conscience des derniers gros orages collectifs, systémiques qu'on aura vécu. Des effondrements peut-être écologiques, peut-être une nouvelle pandémie. Et que ça, autant le Covid en 2020 aura été une petite parenthèse, autant là, cette fois-ci, le coup de semonce est plus fort. Et là, on se dit, on peut plus se permettre de rigoler, quoi. Il faut prendre les choses au sérieux. Moi, je vois beaucoup de gens qui se mettent un genou à terre. En tout cas, je sens qu'il y a des gens qui continuent à maintenir le système et qui veulent absolument, qui n'envisagent pas du tout de lâcher prise. Mais je vois beaucoup de gens mettre un genou à terre et toucher la terre. et de se remettre en humilité, plus proche de l'humus, tu vois, plus proche du mode de fonctionnement de la Terre, de son mode de fonctionnement inspiré de la nature, en biomimétisme, mais aussi en saisonnalité. Tu vois, on accepte enfin qu'il y a un automne et un hiver dans nos modèles économiques et dans nos modèles de société. On accepte enfin de ralentir, de moins travailler, de passer plus de temps ensemble, à se toucher aussi, à se retoucher après plusieurs années derrière nos écrans. Voilà, c'est ça que je vois. Tout ce que tu racontes, ça reste encore impalpable. J'ai besoin que tu nous aides à comprendre ce qui a été mis en place, qui a été activé ou d'ailleurs désactivé. Est-ce que... parce que je pense, moi, forcément, à la grande coupure de 2028 où on s'est retrouvé un mois sans Internet avec des tensions énergétiques fortes. Et donc ça nous a obligés à repasser dans une communauté de proximité, à recomprendre quels étaient vraiment nos besoins vitaux, qu'on était tous et toutes solidaires et de se rendre compte que bah, voilà, tout ce contenu incessant qui nous noyait, finalement, bah, il ne nous faisait pas du bien puisqu'il remplissait un vide qui était fertile, qui était fécond et qui, malheureusement, là, j'arrive même plus à trouver le mot tellement c'était d'une douleur insondable. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est, tu sais, les cours de sens qu'on donne dès le plus jeune âge où on nous oblige à considérer chacun de nos sens de manière isolée puis ensuite collective et de voir à quel point on est des êtres de chair qui avons nos sens pour nous relier. Et là où pendant longtemps on a été un cerveau qui marchait sur un corps et avec une vision très matérialiste de ce corps qui devait nous rendre des services, j'ai besoin que tu me donnes d'autres exemples peut-être qui ont participé à cette bascule. Yes, moi je m'en... Il y a eu un grand blackout ouais, en 2028, je l'avais oublié celui-là. Un grand blackout, mais aussi une coupure de l'Internet où on a levé nos regards des écrans et on a commencé à se regarder, à se reconsidérer, à se constater qu'on était là. Il y a aussi eu pour moi une grande maladie collective neurologique de cette addiction aux écrans dont on a tous constaté les effets absolument délétères sur nos rapports, sur nos relations, sur le fait qu'on ne se parlait plus, qu'on ne se parlait mal et qu'on était au bord de la guerre civile quelque part, qu'on était dans une forme de déchirement. Et là on s'est dit on ne peut plus fonctionner comme ça, coupons les portables, coupons les écrans et reprenons contact, reconsidérons-nous. Et puis il y a eu aussi une petite pandémie, une autre sur la, alors peut-être pas une pandémie, mais une sorte de prise de conscience que notre santé corporelle était vraiment très abîmée et qu'on était tellement déconnecté du vivant qu'on était en mauvaise santé et que c'était devenu et que la population mondiale potentiellement pouvait commencer à décroître et que on était vraiment il était temps de réagir quoi et que on a commencé à créer des COP sur la santé mais pas que, on commençait à reprendre notre santé en main mentale, physique, émotionnelle et spirituelle aussi. Comment on enseigne cette notion de la conscience à notre époque? Je parlais des cours sur nos sens. Est-ce qu'il y a des outils? Est-ce qu'il y a des espaces où on nous enseigne alors, j'allais dire la pleine conscience, mais la pleine conscience, elle est souvent liée à la méditation. Est-ce qu'il y a d'autres formes de conscience? Et comment c'est un fil conducteur, tu vois, de nos vies, pas simplement quelque chose qu'on travaille à l'école et puis ensuite on rentre sur le monde du travail et puis on termine un peu avec ça. Comment c'est devenu une sorte d'hygiène presque mentale, ce lien à la conscience? Oui, ben il y a des journées entières qui sont coupées des écrans parce qu'on s'est rendu compte que et couper des écrans et rebrancher sur la nature, la vraie, parce qu'en fait on s'est rendu compte que mécaniquement le fait d'avoir énormément d'informations en permanence sur nos ordinateurs et nos tablettes et nos smartphones nous maintenait artificiellement dans un état de conscience très élargi, comme une sorte de pensée en arborescence permanente. Et en fait, comme si on avait vécu une sorte de burn-out collectif, parce qu'il y avait trop d'informations. Et notre cerveau n'arrivait plus à suivre la montée en charge d'informations qu'on avait. Et on s'est dit, il faut qu'on ait des moments de restauration de notre cerveau, de restauration de notre conscience, de notre pensée. Et on a dû s'obliger à avoir pas des congés payés, mais des congés forcés de pause et de se rebrancher sur l'observation de la nature, de son rythme, pour nous réapprendre à la lenteur, pour nous réapprendre la saisonnalité, pour nous réapprendre les saisons, la croissance, la progression, la maturité et la dégénérescence jusqu'à la mort. On a réappris tout ça par l'expérience corporelle, sensorielle, par un retour à la nature forcé pour certains et qui était une planche de salut pour d'autres. Comment on a fait pour aller justement pour avancer sur cette ligne de crête entre spiritualité et mysticisme, intériorité et parfois des pièges de communautés qui se replient sur elles-mêmes? Comment on a réussi à faire en sorte que cette j'allais dire expédition en intérieure profonde soit vertigineuse mais aussi confortable, aussi apaisante, qu'elle crée une véritable base stable pour des personnes éclairées et éclairantes? Je pense qu'on a pris conscience qu'on avait besoin des uns des autres. On a pris conscience qu'il fallait qu'on soit ensemble, solidaires, et qu'on avait besoin d'être en relation. Et que nous n'étions pas juste des êtres connectés, en connexion, mais nous avons repris conscience que nous étions des êtres de relation et de reliance. Et on a recommencé à créer des moments de reliance, des moments de reconnexion avec la nature, avec ses émotions, avec l'autre. On a recommencé à créer des choses toutes simples, des feux de camp, des rituels collectifs, des soirées au coin du feu, des cercles de parole, tout ça pour recréer le contact, retrouver le contact, retrouver la sensorialité, presque la sensualité du contact avec l'autre qui nous avait manqué depuis quelques temps. Et toi, dans le sujet qui t'occupait à l'époque, Stéphane, les organisations, raconte-moi à quoi ça ressemble une organisation consciente. C'est pas, j'imagine, un endroit feutré, calfeutré où tout est indolore. J'imagine que ça bouge, j'imagine que ça brasse, j'imagine que ça remue. Mais il y a sans doute plus d'étapes, plus de sas, plus de systèmes d'alerte pour éviter les conflits majeurs, les fatigues chroniques. Raconte-moi un peu ça. Oui, il y a des... En tout cas, on travaille plus comme avant. On travaille, on respecte son biorythme, son rythme biologique. Les entreprises deviennent biologiques aussi. Il y aura un label bio, c'est-à-dire des entreprises qui vont... Ouais, pourquoi pas, j'y pense, là. On le fait, on l'aura fait. C'est-à-dire des entreprises ou des organisations ou des collectifs qui vont respecter le biorythme du vivant, c'est-à-dire... Je viens travailler, je viens contribuer avec l'énergie qui est la mienne, avec ma capacité. Je ne m'accroche pas nécessairement à mon job ou à mon rôle. Si j'ai besoin de contribuer ailleurs, à un autre endroit, je peux quitter cette organisation et aller contribuer plus loin, un peu comme des abeilles pollinisatrices, quoi. Et en fait, on va pas être validé. On est plus validé sur nos compétences, mais sur notre potentiel, le potentiel qu'on peut amener à un instant T dans un collectif, parce qu'à ce moment-là, le collectif a besoin de moi, a besoin de nous, individuellement ou collectivement. Et donc, c'est des entreprises organiques, finalement. Tu vois, c'est des entreprises qui fonctionnent de manière organisée, non plus en pyramide, mais en holomidala, c'est-à-dire en holon, comme on dit, c'est-à-dire avec une pensée systémique. Et donc, ce sont des entreprises qui peuvent se créer, se décréer, se rencontrer, se séparer de manière très organique, très non pas de manière linéaire, avec des courbes en progression, mais de manière biorhythmique, comme l'aile vivant, en fait. Les organisations, elles ont besoin de toi comment? Dit autrement, toi, tu fais quoi en 2030 Glorieuse, Stéphane? Alors, en 2030 Glorieuse, je m'assure que toute la superbe communauté des gens que j'ai rencontrés, que j'ai accompagnés pour être acteur de changement de ça, se déploie partout dans le monde. C'est-à-dire que je suis plus tout seul à le faire. Je suis juste, je continue mes recherches en fait. Moi, en 2035 Glorieuse, je suis avide de ça parce que dans un peu comme Tesla hein, que je t'ai lu tout à l'heure, jusqu'à la fin de sa vie, il aura cherché parce qu'il aura continué à trouver du temps pour écouter son intuition, prendre des notes, écouter ses fulgurances, s'occuper de ses pigeons à Central Park et c'est là où il avait des idées pour le monde. Donc ouais, moi. 2035 Glorieux, je suis toujours en train de contribuer parce que je ne me vois pas m'arrêter. Je pense que jusqu'à mon dernier souffle, je continuerai à ça. J'y crois profondément et je sais que c'est mon sacerdoce presque hein, de contribuer à cet endroit-là, d'amener cette conscience-là, même si ça peut paraître utopiste pour certains, mais en tout cas, je sais que je suis au bon endroit et je suis habité par ça. Et dans quelques temps, on se retrouvera et on se dira ah on avait préparé tout ça tranquillement et on est au rendez-vous de l'histoire. Justement, l'histoire elle peut sembler un peu lointaine, Stéphane, quand on parle de tout ça. Les 2035 glorieuses, c'est dans 10 ans. Moi j'ai envie que les gens ils se disent par quoi on continue quand on revient en 2025 pour aller vers ces 2035, la glorieuse en l'occurrence, qui donne tellement envie. Il y avait quelque chose, je trouve, de très lumineux dans tout ce qu'on a raconté et de très apaisant. Une sérénité presque qui transpirait des images que tu nous présentais, que tu nous décrivais, que tu nous proposais. Et j'aimerais bien qu'on active encore plus ces énergies-là et qu'on les mette en place. Alors, c'est pas absolument du faire. Hein. Les 2030 Glorieuses, elles passent aussi par la création de vide, la ritualisation d'espaces d'ennui, d'inaction, j'en sais rien. Mais si tu devais, là, pour les personnes qui nous écoutent, leur dire, on arrête le podcast et on continue par ça, qu'est-ce que ça serait pour aller vers ces 2030 Glorieuses conscientes? Ben c'est déjà moi tout de suite dès que j'ai fini d'écouter le podcast, je fais la liste des choses qui m'habitent quoi, c'est-à-dire des choses qui me mettent debout le matin, mon why, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait que je suis la personne qui fait ce que je fais, et je fais la liste des choses qui me mettent en énergie haute et en énergie basse, et je vais à la rencontre aussi de mon histoire. Je vais écouter les un peu comme si je retournais en arrière dans ma ligne de vie, j'allais écouter les moments où j'ai eu de la joie, où j'ai eu de la facilité, où j'ai eu un flow quoi. Et de chercher absolument à retrouver cette partie de moi qui était à son rendez-vous quelque part. Retrouver du temps et repasser du temps avec la partie de soi qui était créative, énergique, en joie, porteuse de où tout était possible, tu vois, comme si j'avais été un magicien qui tenait une baguette magique. Et puis aussi, je vais retourner dans mon histoire et faire la paix avec mes ombres, retourner peut-être éventuellement pardonner ou couper des liens avec ce qui m'empêche d'être pleinement moi-même maintenant, pleinement libéré et en pleine expression de mon plein potentiel dans le monde. Voilà. Et puis, dernière chose, je vais me rapprocher de gens qui m'inspirent, que j'ai l'impression que ces gens-là, ils sont au rendez-vous de leur vie. Et je leur demande comment vous faites, comment vous avez fait, donnez-moi, c'est pas donnez-moi envie, mais qu'est-ce que vous avez changé en vous, qu'est-ce que vous avez transmuté en vous, et qui fait que vous êtes la personne que vous êtes maintenant, où vous avez l'impression d'être au rendez-vous de votre vie et au rendez-vous d'histoire peut-être plus largement. Merci Stéphane. Merci à toi Julien. Merci d'avoir voyagé avec nous en 2030 Glorieuse. Si vous voulez continuer à muscler vos utopies, rendez-vous sur 2030glorieuse.org pour explorer la galaxie utopiste que nous mettons à votre disposition avec créativité, enthousiasme, humour et amour.